de City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Music and the City. Ce soir, une émission un peu spéciale car nous allons fêter ensemble la Saint-Valentin avec deux jours d'avance. Mais nous allons la fêter de façon peu ordinaire puisque sera à l'honneur ce soir nos amis célibataires qui se remettent d'un chagrin d'amour. Entre tromperie, bafouage ou encore vengeance, aucun sentiment négatif ne sera laissé au hasard avec une programmation de circonstances. Quand les plus grands artistes posent leur trip sur la table, ça donne une spéciale sans Valentin sur Fadjet. Et on démarre sans plus attendre avec les Véronicas que vous avez découvert la semaine dernière et leur titre You Ruin Me, une ballade sortie en 2014. La chanson est assez loin de leur style pop-rock, mais laisse une empreinte indélébile une fois qu'on l'a entendue. Alors bonne soirée et bonne écoute sur Fadjet, il est 19h30. Job well done, standing ovation. Yeah, you got what you wanted. I guess you won. And I don't wanna hear they don't know you like I do. Even I could have told you. But now we're done. 'Cause you play me like a symphony. Play me till your fingers bleed. I'm your greatest masterpiece. You ruin me. Later h 20h, Music and the City sur Fadjet. Des chansons d'amour, elle en a chanté tout au long de sa longue carrière. Des chansons sur l'adultère, un peu moins. Madonna, connue pour toujours dire ce qu'elle pense, propose en 2005 l'excellent Confession on the Dance Floor, avec en single le titre Sorry. Alors moi je peux vous le dire, vous aurez beau essayer de vous excuser dans toutes les langues, que ce soit des langues mortes ou actuelles, Madonna campe sur ses positions. Mais ouais, fallait pas pousser mémé dans les orties et puis c'est tout. Je suis désolée. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Forgive me. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Être une femme libérée du 21e siècle n'est pas forcément toujours de tout repos. On s'aime, on se désaime, c'est la vie. Aussi, Julia Volkova, ex-chanteuse des Tattoos, a bien assimilé le concept, à tel point qu'elle en a décidé de tromper son compagnon et d'en faire une chanson. « I didn't wanna do it » expose la tromperie sans excuse, sans remords. Le passé est passé, c'est fait, un point c'est tout. Et petite parenthèse, vous allez reconnaître l'instrumental. You be calling me a bitch, but I gotta tell you about your best friend. Her body's so hot, I had to give her my attention. She took my number, asked me if I wanna hang out. And all I'm thinking is how I get her back to my house. To my crib, I tell her meet me at the hot tub. Started getting undressed, gave up a throne and tell her drink up. How was I supposed to know that when we're drunk it makes us do things? She turned into a hoe, and so I turned into a beam. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Quoi encore celui-là? Mais comment il ose se manifester? Mais je rêve! Que des mensonges! Ah, tu crois que c'est aussi simple, hein? Tu crois que je vais te téléphoner pour ta lettre à deux balles, là? Mais c'est terminé, j'ai perdu trop d'énergie avec ce mec. Je veux plus voir, tu dégages! Tu m'écris que tu m'aimes, tu m'adores, tes idées s'en mêlent. Dès que tu poses les yeux sur moi, tes prunelles sur mon corps. Tu dis que je te rends fort, tu préfère être mort que d'être loin de moi, tu vois. J'y croyais encore il y a 5 mois, croyais à ton baratin. Et ta plus haute et ton vice moindin m'ont brisé le cœur en deux. Même si tu me dis que de tes yeux les larmes ont tellement coulé, tu m'as tellement roulé que j'aurais voulu le voir pour le croire. Même dans le noir j'aurais pu savoir si t'es sincère. Être une femme sensible, tu vois que ça sert. Même si je suis touché par ta lettre à ma gloire, je ne suis plus ta bonne foi et je ne pourrai plus te croire. Tu m'aimes, tu m'aimes dans le noir. Même si t'es gris à ma gloire, c'est mort. Tu m'aimes, tu m'aimes dans le noir. Même si tu gris à ma gloire, c'est mort. Tu m'aimes, tu m'aimes dans le noir. Même si t'es gris à ma gloire, c'est mort. Tu m'aimes, tu m'aimes dans le noir. Même si tu gris à ma gloire, c'est mort. Comme un élixir, je buvais tes paroles et pire, je m'en inventais. Pour que mes désirs deviennent vite réalité. Aujourd'hui tu dis regretter, tu dis que je suis celle qu'il te faut. Celle qui prend fou, te fout droit de mes yeux, de mon tempérament de feu. 120 000 volts de concentrer l'énergie. En moi c'est sûr d'être la magie, une certaine synergie entre nous qui fait croire qu'on peut faire fonder une famille et voir l'avenir en rose. Donc ose, tu oses même en mettre une bonne dose. N'utilise pas toute ta prose, même pour moi. Tu es déjà trop foutu de moi à me voir causer toute ta super tchatch à ma gloire. Tu m'aimes dans le noir. À l'instant, la tigresse Afida Turner avec le titre « Tu mens ». Music on the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Quand un accident survient, on a tendance à tout de suite s'excuser, surtout si on est en porte-à-faux. Mais qu'en est-il de la tromperie ? Car si certains pensent que tromper est un accident, n'oublions pas que l'accident est involontaire. La tromperie, elle, est tout à fait volontaire. C'est ce que reproche justement Britney Spears à son ancien compagnon avec la chanson « Liar », issue de son dernier album « Glory ». « Tu peux ramper, je passe à autre chose ». Eh oui. Et le côté musique de western accentue un petit peu plus les paroles. Moi je dis c'est une prodigieuse vengeance. Shame, hindsight, I can see it all so plain. Kamikaze, fire come down, fire come down, fire, fire come down. Left, right, nowhere to turn. Left in the ash from the bridges you burn. Kamikaze, fire come down, fire come down, fire, fire come down. It's too late for apologies. Nothing you can offer me now. Looking at you on your knees, and I'm all listening down. Talking your sleep, saying all kind of names, but none of them me. Keeping secrets under your sheets, under your sheets. You can cry wolf, but you know I ain't gonna be here tomorrow. Oh no, I ain't fucking with your dirty, dirty, dirty laundry, dirty laundry, dirty, dirty laundry. no going back. 19h30, 20h, Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. L'amour, c'est toujours bien fait quand les sentiments sont là, ou alors quand le désir est là. Un concept qui nous vient d'Amanda Lear, qui, dans son titre Brand New Love Affair, semble fortement insistante pour un petit 5 à 7 discret après le boulot. Bon, il faut dire que celle qui chantait Follow Me a su faire tourner les têtes en plus de 40 ans de carrière. Eh bien moi, je vais me laisser tenter pour vous rejoindre, Madame Amanda Lear, vous qui êtes une somptueuse créature, et en musique, s'il vous plaît. I cry for the triumphant and tragic. I'm looking for a special kind of magic. I'm searching for something, someone, somewhere. I'm in the mood for pleasure and sin. Gonna be living and loving to win. More, more, more. Music and the City sur Fadjet. Une nouvelle émission qui se termine dans la joie et la bonne humeur avec notre amie Amanda Lear. Surtout, vous pouvez retrouver cette émission, ça vous le savez, toutes les semaines c'est la même rengaine. Mais oui, cette émission est en podcast à partir de demain, je pense, sur le Facebook Fadjet-Music&City, mais également en rediffusion le samedi à 18h30. Comme on vient d'écouter un peu un mandalir, j'en profite pour faire une petite dédicace à nos amis de la team VHS que l'on retrouve tous les premiers jeudis de chaque mois dans Génération VHS sur Fadjet. Alors si vous n'avez toujours pas écouté cette émission, je vous invite à rejoindre leur Facebook. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon appétit et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.